Je pense que vous avez eu assez de repos avec ma voix parce que le point précédent, c'était de la lecture et aussi tout, c'était aussi des vidéos quand même à suivre, vidéos avec énormément de valeur quand même, je trouve, que je recommande fortement parce que tout y était et tout, donc voilà. C'est vraiment en fait autour de ces deux as-là, qu'on a la publicité en e-commerce, Facebook Ads, Google Ads, le reste des stratégies marketing, c'est à vous de voir, de réfléchir en fait à ce que vous pouvez proposer et ce sur quoi en fait vous pouvez vous axer pour vraiment avoir, genre, prendre de l'ascendance quand même sur les autres. Du coup, nous allons aborder maintenant le huitième point de notre travail, le huitième point de notre formation, qui est la création de contenu de qualité. Ici, en fait, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre tout simplement à créer du contenu de qualité pour votre site web et pour votre site affilié à Amazon, ou bien sûr, y compris des articles de blog, des critiques et des guides d'achat, tout en mettant l'accent sur la valeur en fait ajoutée pour les utilisateurs. Les leçons, bon, en cinq leçons, hein, cinq leçons qui sont, selon moi, que je suis assez courtes. Parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose ici. L'objectif de la première leçon, c'est de comprendre pourquoi les articles de blog, en fait, sont importants et apprendre à les structurer pour qu'ils soient vraiment informatifs, vous voyez, et assez captivants. Parce que les articles de blog, vous savez, c'est un peu comme les articles sur Internet. Ils vous aident, en fait, à trouver votre site et à en apprendre plus sur les produits, en fait, que vous recommandez. Généralement, bon... Ce truc-là, c'est pour les grands e-commerçants, pour les gens qui ont déjà quand même atteint un certain volume de vente. Pour le début, si vous le faites, bon, genre, ça n'a pas vraiment vous avantager parce que vous allez perdre énormément de temps au lieu de consacrer en fait genre, du temps sur les descriptions de vos produits, à lancer, à tester des trucs et tout. Vous allez perdre votre temps en fait ici. Par exemple, si vous promouvez par exemple un sac ou bien des sacs à dos, des sacs à dos de randonnée par exemple, vous pourriez écrire un article sur comment choisir le meilleur sac à dos de randonnée. Oui, ça peut, votre article que vous allez rédiger là, ça peut rediriger en fait, vous pouvez rediriger les gens de cet article là vers votre site où vous êtes en train de faire la promotion, ou bien où vous avez rédigé en fait un article ou bien une description genre, sur un produit, sur un sac à dos que vous voulez promouvoir en fait. Et donc quand ça va rediriger les gens là-bas, déjà ils ont lu ce que vous avez rédigé ici, ça va les rediriger là-bas, et puis voilà. Le reste de la description va faire le travail pour les convertir en clients, tout simplement. Au niveau de la deuxième leçon, toujours par rapport au point 8, c'est la rédaction de critiques convaincantes. Il y a des critiques, oui, mais des critiques convaincantes. Vous savez, les critiques sont comme des avis sur le produit. Oui, donc les gens les lisent hein, pour savoir en fait si un produit est bon ou pas. Voilà. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, est-ce qu'il est moins bon? Donc, l'objectif ici, c'est vraiment que vous compreniez l'importance des critiques de produits et apprendre à rédiger des critiques qui vont aider les gens en fait à prendre des décisions. Ce n'est pas des critiques pour dénigrer d'autres produits, mais c'est des critiques qui sont constructives, des critiques qui vont vraiment aider les gens. Vous voyez? Et voilà, un exemple, c'est que si vous recommandez par exemple des smartphones, vous pourriez en fait écrire une critique détaillée sur un modèle particulier. Donc, vous allez parler de ses avantages et de ses inconvénients. Oui. Et ça peut aussi rediriger vers un lien ou bien genre, faire un site sur lequel vous êtes en train de faire la promotion de genre d'un téléphone en fait. Donc voilà. La troisième leçon, c'est la création de guides d'achat informatifs. Ici, je vais commencer en fait par un exemple pour que vous percevez mieux en fait le truc. Un exemple, pour des casques audio par exemple, vous pourriez faire un guide d'achat avec les top 5 casques audio en 2023 par exemple. Et 2023 ou bien 2024, vous avez fait pareil, en 2025, vous avez fait pareil. En les comparant en fonction de leur qualité et de leur prix. Oui. Et l'objectif ici, c'est vraiment d'apprendre à créer des guides d'achat qui vous aident, genre, qui vont aider les gens en fait à choisir les meilleurs produits dans une catégorie. Donc vous allez, généralement ici, c'est pour le faire, c'est un top, on fait mais un top, généralement un top 5. Et puis le meilleur, bien les deux premiers en fait, c'est vraiment, ça va être des produits que vous êtes en train de promouvoir en fait, que vous êtes en train de vouloir vendre via des liens affiliés sur vos sites, et puis voilà, ça va toujours rediriger vers ces articles-là. Et pour le faire, en fait, vous devez savoir que les guides d'achat, en fait, c'est comme des listes de recommandations, oui. Et si vous arrivez quand même à faire de sorte à ce que tout ce que vous recommandez, vous les c'est en promotion, genre vous les vendez, les gens peuvent acheter via votre lien et tout, ça marche. Ça marche, c'est vraiment un avantage assez fort pour vous. Donc voilà, c'est comme la liste de recommandations, hein. Et les gens vont les utiliser quand même pour décider genre de quel produit acheter. Mais si vous faites un top 5 et puis dans, genre, dans le top 5 là, tous les produits du top 5 en fait sont des produits que vous êtes en train de recommander et tout, vous avez forcément plus de chances en fait de vendre. Oui, donc voilà. La quatrième leçon, ça sera la mise en évidence de la valeur ajoutée. Pour comme objectif ici, c'est de comprendre comment rendre votre contenu spécial en offrant des informations uniques. À ce niveau, toujours je commence par les exemples pour mieux vous expliquer le truc. Si vous parlez de produits de beauté par exemple, et que vous partagez vos propres astuces de soins de peau, et que... Oui, genre des propres astuces, genre personnelles, hein, que vous avez découvertes. Genre, c'est vraiment naturel, c'est vous-même qui parlez de cette expérience-là, même si vous inventez un peu. Ça se fait quand même, oui. Parce que vous devez montrer aux gens pourquoi votre site est différent des autres. Pourquoi, si ils viennent sur votre site, quand ils vont acheter, ça va être vraiment différent de chez les autres. Vous voyez, donc chacun en fait aura son argument, son truc, genre, vraiment son argument par rapport à ça. Pourquoi votre site est différent des autres et en quoi cela peut être donnant des informations spéciales ou des astuces en fait. Ouais, donc voilà. Tout ce qu'on peut dire par rapport à la quatrième leçon, hein. La cinquième leçon, toujours par rapport à la création de contenu, ici, c'est rien. Comme je vous l'ai dit, c'est uniquement, j'en sais réservé même. C'est réservé aux grands e-commerçants, ceux qui chiffrent déjà et tout. Parce que les net linking sont déjà bien faits. Donc ici, pour un début, si vous le faites, non, ça n'aura pas vraiment d'importance. Mais bon. Tout en espérant quand même que vous grandissez, je vous laisse quand même cette valeur ajoutée là. Point 5, ça sera l'engagement de l'audience. Vous devez apprendre à interagir avec les personnes qui visitent votre site et à les encourager en fait à vraiment faire le pas à acheter en fait via votre lien. Donc les commentaires et les réponses en fait aux questions des gens sont vraiment importants. Vous voyez, donc faut pas vraiment négliger ça. Si les gens ils posent des questions, il faut répondre. Si les gens vous contactent via votre assistance ou bien ils vous contactent d'une façon ou d'une autre pour pouvoir avoir plus d'informations, il faut leur répondre parce que les gens c'est des prospects. Et qui dit prospect dit potentiel client. Donc vous n'avez pas le droit de laisser s'échapper quelqu'un. Vous n'avez pas le droit, c'est pas le droit. Vous n'avez pas le droit à cette erreur-là. Sinon, c'est vous-même qui allez vous en mordre les doigts, en fait. Les doigts, en fait. Donc, vous devez aussi les encourager quand même, hein. Et même si, en fait, ils ne veulent pas acheter, trouver quand même la formule pour les encourager à laisser leur avis de comment ils ont trouvé la description et tout. Tout ça va vraiment augmenter votre e-réputation. Oui, donc, un exemple, si, par exemple, quelqu'un commente votre article sur, j'en suis les sacs à dos de randonnée. Vous devez répondre poliment et lui demander s'il a d'autres questions. Genre, en mode satisfaction totale du client, en fait. Vous voyez? Toutes les conditions, tout ce que vous allez faire en fait, pour mettre le client dans de bonnes conditions, c'est ça, en fait, que vous allez faire. Donc, voilà un peu tout ce qu'on peut dire par rapport à la création de guides d'achat informatifs. Nous allons poursuivre en même temps avec le neuvième point. Le neuvième point directement. Le point 9 qui est quand même les réseaux sociaux ici c'est pas ici il n'y a pas vraiment grand chose à dire tout ce qu'on a dit par rapport en fait au site web et tout vous travaillez avec Amazon et tout ça peut se rapporter en fait lorsque vous travaillez par exemple avec une page Facebook ou bien un compte Instagram et donc en fait ici le truc ce n'est pas genre de reprendre tout ce qui a été dit non ce n'est pas de reprendre tout ce qui a été dit ici nous allons apprendre en fait à utiliser efficacement les plateformes de médias sociaux pour promouvoir en fait votre site ou bien pour promouvoir vos produits directement et de maximiser en fait votre rentabilité vos ventes donc l'importance en fait des réseaux sociaux en fait avec ce programme là c'est que les réseaux en fait sont des canaux puissants ouais pour vous aider à atteindre un public plus large et vraiment de promouvoir vos produits. Mais il faut savoir que lorsque vous allez mettre des liens affiliés, Facebook va vous bloquer, ils vont vous supprimer, ils vont quand même prendre de graves mesures contre vous. Donc vraiment, ce n'est pas forcément conseillé de, même si vous voulez en fait y aller en fait avec une page Facebook, il faut vraiment prendre le temps de d'avoir personnalisé le lien, c'est-à-dire genre de le transformer un minimum, donc vraiment de personnaliser ces liens-là avant de penser en fait à les mettre comme ça, j'en suis vos pages Facebook ou bien sur vos comptes. En tout cas, vu que sur Facebook, on travaille avec des pages, donc sur des pages. Parce que lorsque vous allez partager une critique de produit sur Facebook, par exemple, les gens qui vous suivent, ou bien les gens, oui, les gens qui vous suivent, ils vont forcément la voir. Et ça peut éventuellement générer des ventes. Parce que c'est le, comme je vous l'ai dit, c'est le même procédé en fait avec le site, les mêmes conséquences. C'est la même chose. Des deux endroits, vous générez du trafic qui peut fonctionner de la même manière où vous pouvez avoir des comportements de personnes qui sont identiques en fait. Donc voilà. Pour le choix de la plateforme sociale vraiment appropriée, il faut savoir que chaque réseau en fait social, chaque réseau a son propre public. Vous voyez par exemple Instagram, c'est idéal pour des produits visuels. Tandis que LinkedIn, ça va être meilleur pour des produits professionnels. Ouais, donc si vous voulez, si vous promouvez des produits de beauté, Instagram peut être vraiment un excellent choix en raison en fait de sa nature visuelle. Ouais, donc vraiment, ce n'est pas une formation de community management où on va commencer en fait à parler des spécificités genre de chaque réseau avec vous dire et pour genre vous donner par rapport à quoi chaque réseau est adapté. Donc ça c'est une formation de community management par exemple, genre, qui va vous donner ces détails-là. Ce qui n'est pas le cas ici. Parce qu'on sait que Facebook, on peut savoir sur Facebook, Facebook c'est quel genre de plateforme, Instagram c'est quel genre de plateforme, YouTube c'est quel genre de plateforme. Et puis en fait, par rapport à chaque plateforme, on peut y adapter une niche particulière. Parce que tous les produits en fait ne vont pas sur toutes les plateformes. Vous voyez? Il y a des produits spécifiques, il y a des niches spécifiques. Pour faire leur promotion, c'est sur des plateformes spécifiques. Si vous mélangez en fait, c'est le décor. Vous voyez? Une niche que, où vous devez en fait faire la promotion de ce produit-là. Peut-être, genre sur Facebook, vous allez faire la promotion genre sur TikTok, ça ne marchera pas. Si c'est un produit où vous devez faire la promotion sur TikTok, vous faites ça sur Instagram, ça ne marchera pas en fait. Donc voilà un peu. Maintenant, vous, ne me posez pas la question de savoir quelles sont les niches qui marchent avec Facebook. Non. On sait tous que par exemple, Instagram, c'est un réseau visuel. TikTok, c'est un réseau pour les trucs short. En fait, vous savez, chaque réseau en fait a son truc. Il y a des plateformes qui prennent des trucs plus longs. Donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez montrer, quel genre de produit en fait est adapté en fait à quelle plateforme. Oui. Donc voilà un peu, il faut aussi que la jugeote vous guide pardon, par rapport à ça. La leçon numéro 3 par rapport en fait aux médias sociaux, c'est par rapport à la création de contenu engageant. Oui. Les utilisateurs des médias sociaux, ils sont vraiment attirés par des contenus visuels, des concours, des vidéos et des questions ouvertes qui les encouragent vraiment à participer. Donc, si vous publiez une image de quelqu'un utilisant un produit que vous recommandez et demandez en fait à votre audience de partager leur leur expérience similaire. Oui, c'est bien possible. Vous leur demandez et tout, ça va encourager ou bien ça va aider quand même votre e-réputation. Et puis, voilà, les gens qui vont venir sur vos pages et tout, ils auront plus de facilité ou bien ils seront plus flexibles dans l'idée en fait d'acheter chez vous. La planification, bon, il y a aussi la planification et le calendrier de vos publications. Ça là, j'ai pas besoin vraiment de vous dire ça. Vous devez être organisé, vous devez avoir un calendrier, vous devez avoir une planification. C'est pas que vous vous réveillez chaque jour et genre pour dire aujourd'hui je fais quoi. Non. Une planification régulière des publications en fait va maintenir l'engagement de votre audience et va vraiment garder votre présence sociale active. Donc vous devez établir en fait un calendrier éditorial indiquant les jours et les heures où vous devez publier du contenu. Et puis si vous faites recours en fait à la généralité, je vous ai dit qu'il y a quatre objectifs ou bien cinq objectifs autour desquels vous devez vous appuyer en fait. Parce que tout n'est pas forcément vente, vous voyez, il y a d'autres choses autour qu'on fait généralité. Et donc, par rapport à ça, les jours, le calendrier éditorial indiquant les jours, les heures où vous allez publier du contenu, c'est pas tout le temps pour vendre quand même. Par exemple, une critique de produit chaque mercredi à 15h. C'est un exemple que je donne. Chaque mercredi à 15h, vous faites une critique de produit. C'est un truc, c'est une petite activité genre, que je viens de donner. Donc voilà. Par rapport maintenant à la gestion des commentaires, à la réactivité, vous savez qu'il faut vraiment être poli avec les gens, il faut répondre aux questions des gens. Et donc voilà, l'interaction avec votre audience va renforcer en fait la confiance et peut influencer les décisions d'achat des gens. Si quelqu'un par exemple pose une question sur un produit, sur votre publication, répondez rapidement avec des informations utiles. voyez, ça peut convertir cette personne-là en client. Par rapport à la promotion discrète des liens d'affiliation, ici, on va vraiment apprendre à promouvoir subtilement des liens d'affiliation sans paraître trop commercial, sans paraître, pardon, trop commerciaux. Ici, vous devez éviter en fait les tactiques agressives de vente, ouais, et préférer des approches informatives et utiles. Vous ne devez pas montrer aux gens, ouais, moi je vais te faire vendre un produit, non, non, non, non. Genre, ce que ça passe en fait, toutes ces informations, genre, vous êtes en train de leur faire voir un produit, de leur faire découvrir un produit, etc., etc., etc., vous voyez. Et donc, par rapport à ça, maintenant, vous pouvez glisser des liens pour dire, ah, vraiment, si vous cliquez ici, bon, je suis partenaire Amazon et tout, si vous cliquez ici, vous allez bénéficier du produit, vous allez acheter le produit et tout, vraiment, acheter pour m'encourager, tout ça, tout ça, tout ça. Ça peut passer. Ouais, donc vraiment une promotion discrète, pas agressive du tout. Donc, dans une publication, par exemple, genre de blog, genre sur Facebook, expliquer genre comment le produit a résolu en fait un problème personnel, puis partager maintenant le lien d'affiliation pour que d'autres puissent en fait bénéficier de ce genre de cette expérience-là, de cette expérience positive que vous avez eue. Vous comprenez un peu? Et donc, par rapport à ça, ça passe vraiment discret. Et puis, c'est vraiment une stratégie qui marche. La dernière leçon, ça sera la mesure des performances et des ajustements. Ici, il faut tout simplement comprendre comment suivre les performances de vos efforts, hein, parce que quand on travaille, il faut forcément analyser. Donc, vous allez utiliser les outils d'analyse des réseaux sociaux. Par exemple, Facebook, c'est la méta, et vous aurez la méta business suite pour pouvoir voir quand même les statistiques de genre de vos publications et tout. Vous allez utiliser cet outil d'analyse là de réseau pour pouvoir évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et vous allez ajuster en fait votre stratégie en conséquence. Vous voyez, ce n'est pas des trucs qu'on apprend. Si vous voyez que votre publication peut-être, en tout cas, vous sauriez vraiment quelle décision prendre par rapport en fait aux statistiques, par rapport aux chiffres en fait que vous voyez. C'est pas des trucs qu'on apprend, non, non, non. On lit. Et puis aujourd'hui, les réseaux en fait nous font encore la grâce de nous expliquer en fait ce que chaque donnée veut signifier. Et donc, si vous remarquez que par exemple les publications du matin obtiennent plus d'engagement, c'est bon. Planifiez davantage des publications en ce moment-là. Ça va vous aider en fait à vraiment atteindre cet objectif de vente, ou bien cet objectif d'attirer énormément de public sur votre page qui, par la suite, qui par le temps, vous allez réussir en fait à les convertir en fait en prospects. Nous allons toujours enchaîner avec le point numéro 10. Nous tendons vers la fin, nous allons enchaîner avec le point numéro 10. Le point numéro 10 qui est statistique et analyse ici, il faut vraiment, aussi l'objectif global de toutes les leçons sera vraiment de comprendre l'importance de l'analyse des données pour pouvoir optimiser votre programme d'affiliation, mais votre programme d'e-commerce, et en fait apprendre à utiliser ces outils d'analyse-là pour obtenir des informations assez précieuses. Parce que dans tout ce que vous faites, vous devez forcément vous arrêter, faire des analyses de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Oui. Donc voilà. Vous devez aussi comprendre pourquoi l'analyse des statistiques est cruciale pour le succès de l'e-commerce avec Amazon. Pourquoi vraiment c'est crucial d'analyser les statistiques? Vous devez apprendre, pardon, à utiliser en fait les outils d'analyse fournis par Amazon pour pouvoir suivre vos performances. Découvrir comment l'intégrité, ou bien découvrir comment intégrer Google Analytics à votre site, vous voyez, pour obtenir en fait des observations, bien des données un peu plus détaillées. Pour ne pas forcément dire que vous allez aussi apprendre à interpréter les données statistiques pour pouvoir prendre des décisions assez éclairées. Ensuite, comment comprendre l'utilisation des données pour apporter des ajustements et optimiser en fait votre programme en e-commerce. Et enfin, nous allons finir par comment vous allez apprendre aussi à générer et à examiner régulièrement les rapports statistiques pour suivre les tendances et l'évolution en fait du programme e-commerce. Quand nous prenons le premier point, comprendre pourquoi l'analyse des statistiques est crucial pour votre succès en e-commerce, c'est que les statistiques, c'est tout simple, hein? Vous voyez, c'est des trucs que même des gens qui ne sont pas forcément initiés peuvent vous dire. C'est de là. C'est des explications simples. Le truc, c'est que les statistiques, ça vous aide en fait à mesurer la performance de vos campagnes. Ouais, et donc à identifier les domaines d'amélioration et à maximiser vos revenus. Par exemple, si l'analyse des statistiques peut vous révéler que vos liens d'affiliation dans les dans les articles de blog génère plus de ventes que ce sur les pages de produits. Vous allez plus mettre d'efforts en fait là où qui marche. C'est tout. C'est tout. Quand Amazon, par exemple, vous propose des tableaux de bord, des rapports qui vous montrent combien de clics vous avez eu, des ventes que vous avez eu, des commissions de vos liens affiliés et tout, et que, par exemple, le rapport d'affiliation Amazon vous indique qu'une revue de produits spécifique a généré 100 clics et 10 ventes au cours du mois, vous allez vraiment vous focaliser sur ce produit-là pour savoir que ah, ce produit-là, ça marche. Donc, il y a encore à faire. On peut quand même continuer à vendre. Donc, là, vous savez qu'il y a quand même une opportunité là. Au niveau de l'utilisation de Google Analytics pour une analyse approfondie, vous devez utiliser tout simplement Google Analytics. Et en fait, elle vous aide à faire quoi? Elle vous offre des informations sur le comportement des visiteurs, le taux de conversion, les sources de trafic, en vous fournissant en fait les informations cruciales qui vont vous aider en fait pour optimiser vos pages et vos contenus tout simplement. Et par exemple, si vous utilisez par exemple Google Analytics et pour découvrir le trafic organique provenant des moteurs de recherche, vous allez peut-être vous rendre compte que ça génère plus de ventes que les médias sociaux. Voilà, ça c'est une analyse en fait que Google vous a généré. Donc vous saurez que désormais vraiment le trafic organique là, ça m'aide plus que lorsque je fais ma publicité, par exemple j'en suis ma page Facebook ou bien sur Instagram. Donc ça peut vous aider vraiment à mieux concentrer vos efforts. Je suis même plus mes efforts ou voilà, c'est ce genre de décision en fait que ça peut vous aider à prendre. Par rapport à l'interprétation des données, vous devez comprendre ce que signifient en fait les métriques telles que le taux de conversion. Depuis, j'en parle, le taux de rebond et le chiffre d'affaires par visiteur. Par exemple, une analyse des données qui vous révèle que votre taux de conversion est faible sur une page spécifique, vous pouvez décider par exemple de réviser le contenu par exemple ou bien de le simplifier. Ou bien de simplifier le processus de commande. Est-ce que sur votre site, les gens ils vont lire des trucs, genre des trucs longs, avant de venir voir autre chose, avant de venir acheter et tout. Est-ce que c'est vraiment ce processus-là, il faut simplifier? Ou bien, je sais pas, en fait, vous essayez de voir comment simplifier en fait les trucs pour pouvoir agir sur ce taux de conversion qui est faible. Oui. Donc voilà. Maintenant, comprendre comment utiliser les données pour apporter des ajustements et optimiser votre programme d'affiliation. Un exemple, en modifiant par exemple le titre et le contenu d'une page de revue, vous augmentez le taux de conversion et vous générez plus de ventes. Ça, c'est un exemple. Parce que lorsque vous allez identifier les points faibles et les opportunités, vous allez apporter des modifications en fait à vos pages et à votre contenu ou bien carrément à votre stratégie pour pouvoir améliorer vos performances. C'est tout aussi simple que ça. Par rapport maintenant au rapport régulier, ce que moi je vous encourage vraiment à faire, c'est que vous devez établir des rapports périodiques. Je sais pas, ça peut être journalier, c'est un peu trop, hebdomadaire, c'est trop. Je vous préfère vraiment mensuellement, trimestriellement, c'est encore mieux. Mais mensuellement, c'est vraiment mieux. C'est vraiment ce qui est optimisé, ce qui est souhaité. Vous établissez des rapports périodiques, c'est vous qui voyez, mais vraiment, comme je l'ai dit, mensuel, qui vont vous aider en fait à garder une trace de vos progrès et à ajuster en fait votre stratégie au fil du temps. Donc chaque mois vous pouvez examiner vos rapports pour voir comment vos revenus en fait évoluent et vous pouvez ajuster en fait votre contenu en conséquence. Vous voyez, c'est tout aussi simple, c'est un jeu. Donc en maîtrisant vraiment l'analyse en fait de ces statistiques là, vous serez vraiment en mesure d'optimiser votre programme du commerce pour pouvoir améliorer continuellement vos performances. Et donc, chers amis, je pense que c'est la fin de ce podcast. Nous sommes à la fin du point 10. Il ne nous reste que 5 points pour terminer complètement en fait notre programme d'e-commerce avant peut-être de voir s'il y aura des annexes, s'il y aura des choses en surplus. Je vous recommande fortement de toujours continuer à vraiment prendre le temps de bien suivre en fait chaque podcast, d'écouter, de réécouter. Écouter plusieurs fois, vraiment d'être attentif parce que les choses vont très vite et il va falloir vraiment que vous soyez le plus au maximum attentif quand même pour retenir l'essentiel du reste en fait. Donc voilà, ceci est la fin de notre podcast